Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une des plus célèbres boutades du philosophe Vladimir Jankélévitch est celle-ci. Quand on pense à quel point la mort est familière et combien totale est notre ignorance, et qu'il n'y a jamais eu de fuite, on doit avouer que le secret est bien gardé. Car bien sûr, la seule chose que l'on puisse savoir de sûr et certain sur la mort est l'effet qu'elle a sur les vivants, qui, de tout temps, et partout dans le monde, ne savent plus quel rituel inventer pour la conjurer. Il est vrai que, sans les rituels, le travail du deuil est bien plus difficile, voire parfois impossible. L'humain serait donc obligé d'en passer par là, pour se remettre d'une mort qui le frappe singulièrement. Pourquoi ? Parce que le rituel n'est pas simplement un geste obsessionnel de nature religieuse. Il est aussi une manière de rendre et de permettre que soit rendu un hommage public aux disparus et de marquer ainsi par une parole et par des signes la trace de son passage pour l'imprégner dans nos mémoires. Du coup, les manières de traiter de la mort et des morts dans une société donnée en dit long sur les paradoxes qui la traverse. C'est ce que nous fait entendre cette émission consacrée aux rites funéraires et au travail du deuil, qui date de 2001. État de fait. Rites funéraires et travail de deuil, comment vivre la mort, une émission de Catherine Poinbert. Une maison funéraire, c'est un lieu qui accueille le défunt et sa famille depuis les instants qui suivent le décès jusqu'au jour de la cérémonie. Je dirais la façon d'accueillir une famille, les tout premiers instants de rencontre vont être essentiels pour ce qui va se passer après. Accueillir avec quoi ? Avec ses yeux. On peut faire beaucoup de choses avec ses yeux. Accueillir avec son sourire aussi, c'est important. Même dans notre métier, accueillir l'été peut-être avec un verre d'eau, accueillir quand il fait plus froid comme aujourd'hui avec une tasse de café. Je crois que l'accueil, c'est le repère numéro un de notre métier. Je crois que le deuxième repère, on pourrait aussi le situer autour de ses attentions. La façon dont on va accueillir les gens à toutes les étapes de séparation. Le temps des funérailles, c'est un enchevêtrement d'étapes de séparation. Il faut être dans ces moments-là particulièrement attentif et accueillant. Accueillir quelquefois par un silence, accueillir par un temps où on laisse aux autres un peu de temps pour se reprendre en quelque sorte. Les étapes de séparation, ça va être par exemple le moment de la mort. On passe de la vie à la mort. C'est irréversible, on ne peut plus faire marche arrière. Une autre étape de séparation, ça va peut-être être un moment difficile, au moment de la mise en bière, parce que là, on va couvrir le visage, on ne le verra plus. Notre moment de séparation, ça va être, pour certaines familles qui sont très croyantes, lorsqu'on va quitter l'église, une église qui a été celle qui a accueilli un baptisé, un défunt, et là, vraiment, c'est très lourd, il n'y a pas de mots pour expliquer. Moi, j'ai travaillé en province et à la campagne, le moment de séparation le plus douloureux, c'était lorsqu'on quittait la maison, la levée du corps, on appelait ça autrefois, parce que dans cette maison, on y avait vécu, on était né, on était mort. Il y avait plein de choses qui partaient. On ne pourrait plus jamais faire marche arrière, c'est important. Et puis, aujourd'hui, revenons déjà tout de suite dans le contemporain, autour de la crémation, il y a beaucoup d'étapes de séparation, il faut faire attention. Il faut faire attention, bien accueillir, avec des bons conseils, avec des mots justes à ses familles. C'est primordial. Ce que je voulais préciser par rapport à l'accueil, c'est que c'est primordial pour les familles quand on les reçoit, et qu'en fait, si on n'aime pas les gens, alors c'est un métier qu'on, je pense qu'on ne peut pas continuer de faire très longtemps. Il faut aimer les gens pour faire cette profession-là. Mmh. La mort, ses gestes, ses rites, un sujet autour duquel les silences, les non-dits, les tabous planent souvent. Autrefois, de la naissance à la mort, l'existence était balisée par des rites. La collectivité prenait en charge toutes les grandes étapes de l'existence. Aujourd'hui, libres de leur choix, voulant échapper aux dogmes, les individus entendent quitter ce monde en toute liberté, c'est-à-dire souvent dans la plus parfaite solitude. Or, les rites funéraires, qui permettent de neutraliser l'inhumanité de la mort, sont faits de paroles, d'échanges, de regards, de gestes partagés. Alors que depuis le milieu du XXe siècle, les rites funéraires s'individualisent de plus en plus, alors que 75% des Français meurent à l'hôpital et que de nouvelles pratiques, comme la crémation, se développent, le discours sur la mort n'a jamais été aussi fécond. Changer la mort, mourir en sujet, accompagner la fin de vie des proches, autant de formules qui expriment la volonté de ne pas occulter la mort et d'inscrire les rites funéraires comme étape initiale nécessaire au travail de deuil. Vous nous dites où nous sommes, Joseph Berchoux ? Eh bien, nous sommes au cimetière des Guenards, à Versailles. Je n'ai pas regardé la date d'ouverture de ce cimetière, mais elle doit correspondre à la fin du siècle dernier. Une période où on a vu les cimetières s'éloigner des centres-villes. Il faut garder à l'esprit la réalité qui a été celle de toutes nos grandes cités. Pendant très longtemps, les cimetières étaient adossés aux églises et c'est... Comment dirais-je, Louis XVI, le premier qui s'est inquiété de cette réalité, qui posait problème à la salubrité publique et qui a déplacé ses cimetières en périphérie. Si vous parlez si bien des cimetières, Joseph Berchoux, c'est que ce sont des lieux que vous fréquentez très fréquemment. L'appellation exacte de votre métier, ce métier que vous avez pratiqué pendant plus de 35 ans, c'est assistant funéraire, c'est cela ? Quand j'ai débuté, notre mission était celle des règleurs. C'est-à-dire qu'on était fait... Pour régler les funérailles, c'était un terme technique qui existait depuis le début du siècle, une époque où l'Église avait une grande place dans cette organisation. Aujourd'hui, la bonne appellation serait plutôt le conseiller funéraire. Conseiller funéraire, c'est le titre du métier que vous pratiquez, Bénédicte Filière. J'ai d'abord commencé comme assistante funéraire stagiaire, puis comme assistante funéraire, et puis après, effectivement, je suis devenue conseiller funéraire. Autrement dit, vous êtes l'un et l'autre des professionnels de la mort. Professionnel de la mort, cela signifie entre autres choses que vous connaissez parfaitement bien les rites et les symboles de la mort. Alors, les choses ont beaucoup évolué. Quand j'ai débuté dans ce métier il y a 35 ans, il y avait deux colonnes qui soutenaient ces cérémonies. D'abord l'Église, omniprésente, et puis la famille. Alors aujourd'hui, 35 ans plus tard, l'Église est toujours là. Elle a toujours sa place, et la famille aussi. Mais les forces sont un peu différentes, si j'ose dire. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les rites ont toujours leur place dans l'organisation des cérémonies. Si vous regardez des études spécialisées, vous apprendrez par exemple que 15% des Français pratiquent leur religion une fois par mois. C'est pas beaucoup. C'est un constat. On devrait s'attendre à trouver des pourcentages voisins dans le choix des cérémonies de funérailles. Eh bien non, il y a pratiquement 85% des familles qui demandent des funérailles religieuses. Même dans certaines régions, on est à plus de 90%. C'est ainsi, comme quoi tout n'est pas expliqué dans l'environnement de la mort. Mais il se trouve que le prêtre n'est plus toujours aujourd'hui la première personne que l'on appelle au moment d'un décès. Et finalement, vous êtes souvent, vous, en tant que personnel des pompes funèbres, les premiers à être au contact des familles. Alors, par le passé, c'est clair, on appelait le prêtre. Le prêtre se rendrait au domicile, à une époque où on naissait, où on vivait, où on mourait souvent dans sa maison. Aujourd'hui, la mort, elle est souvent constatée dans l'environnement hospitalier. Et le prêtre, il a l'occasion de rencontrer, dans sa mission d'aumônier, de rencontrer les familles, mais ce n'est pas toujours le cas. Et au moment du décès, le réflexe d'une famille, c'est de s'adresser à une entreprise de pompes funèbres. Et ce réflexe, il est vrai à Paris, il est vrai en province, il est vrai à peu près partout. Qu'est-ce qui se passe alors ? Eh bien, le plus souvent, l'assistant funéraire, le conseiller funéraire qui accueille cette famille, prend contact avec le prêtre. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Mais généralement, ils conviennent de deux rendez-vous. Le premier, qui est le plus important, vous l'avez compris, c'est le jour lors des funérailles, c'est entendu. Et presque partout, il y a un deuxième rendez-vous qui est pris. C'est le jour de la rencontre des proches, c'est-à-dire cet instant où on va préparer la cérémonie. Alors là, il y a une évolution absolument fondamentale. Lorsque je vous parlais tout à l'heure de cette période où l'Église avait des choses en fait très codifiées pour accompagner les familles, hein, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas, on demandait, qu'est-ce qu'on nous demandait ? Le prénom du défunt, l'âge du défunt, s'il avait été baptisé, c'est tout. Aujourd'hui, la préparation d'une cérémonie s'inscrit plutôt dans un temps d'écoute où les gens s'expriment, où en fait le prêtre ou les laïcs qui l'accompagnent ou les laïcs qui président la cérémonie, je dirais, inscrivent ce temps de cérémonie, de recueillement, dans l'histoire qu'ils ont entendue, qu'ils ont revécue au travers de la parole des proches. Autrement dit, Bénédicte Figuière, votre métier aujourd'hui consiste à prendre en charge de plus en plus de choses. Là où autrefois vous n'étiez peut-être que des techniciens, au sens noble du terme, vous avez aujourd'hui une responsabilité qui est de plus en plus importante. Oui, parce qu'en fait ce que recherchent les gens maintenant quand ils viennent nous voir, c'est d'abord tout un rôle de conseil, une relation de confiance. On écoute les gens et à partir du moment où le climat de confiance est établi, effectivement ils vont nous demander à ce qu'on fasse le plus de choses possible pour eux. Qu'on organise tout, ça veut dire faire les faire-part, composer les faire-part, leur remettre le plus vite possible. C'est aussi les fleurs, fleurs naturelles, fleurs en tissu. C'est la sépulture, c'est la cérémonie. En fait, effectivement, maintenant, on s'occupe de plus en plus de choses. Les rites funéraires ont profondément évolué au cours du XXe siècle. Faut-il, selon vous, Gabriel Rubin, parler de déritualisation de la mort ou plutôt d'évolution des rites ? Je crains que ça ne soit une déritualisation. Évolution, ça c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des rites. Par exemple, à travers la planète, les rites funéraires sont extraordinairement différents, très passionnants d'ailleurs, parce qu'ils ont tous un sens. Donc ils sont tous différents, mais ils existent partout. Et ce qui compte, c'est qu'ils existent. Et dans nos pays occidentaux, moi j'ai l'impression que c'est réduit au strict minimum. Et ça, je crois que c'est une grave erreur, parce que ces rites étaient là pour aider les gens à faire le deuil. Et qu'en les supprimant, eh bien, on laisse les gens sans repère. Les gens ne sont plus reliés à quelque chose qui, à mon avis, est important parce que, justement, ça les relie à leurs ancêtres. Et puis, les rites funéraires agissent également, Gabriel Rubin, comme une sorte de protection vis-à-vis de la mort pour les défunts. C'est une façon de mettre une distance et, en même temps, de commencer le travail de deuil. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait essentiel dans la mesure où, lorsque ce travail n'est pas fait, on voit les perturbations extraordinaires que ça peut apporter dans la vie d'une personne qui ignore complètement que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à trouver son équilibre et qui, lorsqu'on a découvert la cause, qu'on a travaillé la chose et que, en somme, elle fait une sorte de rite funéraire personnel, je veux dire qu'il n'est plus question de refaire le rite habituel, mais chacun découvre le moyen de retrouver ce lien avec le passé, avec le rituel, avec ce qui a entouré la mort depuis toujours, et on voit bien les choses s'apaiser, le calme revenir. Mais quel est précisément l'effet du rite funéraire sur le survivant ? Finalement, comment agit-il et en quoi peut-il aider ceux qui restent à accepter la disparition d'un proche ? Ça oblige le survivant à rester dans la vie. C'est-à-dire que, bon, le compagnon est mort, est-ce qu'on va mourir avec lui ? Le rituel dit, mais non, mais non, dans ce qu'il y a de plus simple. Il faut s'occuper de l'enterrement, de répondre aux condoléances des gens, il y avait autrefois des repas, etc. Tout ça oblige le survivant à sortir de sa douleur pour être dans la vie, tout simplement. Je pense que c'est important aussi, la ritualisation qui est alors complètement abandonnée, de l'apparence extérieure, c'est-à-dire les vêtements de deuil, les bijoux qu'on met ou qu'on ne met pas, c'était aussi très ritualisé, ça. Oui, le fait de signifier socialement le deuil. Exactement. Mmh. Donc, dans une première période, c'est « je suis en noir, ne m'approchez pas, je suis dans ma douleur ». Ensuite, un peu de blanc, un peu de mauve, etc. On commence à renouer les relations avec l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est vivant, le courant de la vie. Et à la fin, maintenant, c'est terminé, disait le rituel. Maintenant, vous pouvez repartir dans la vie, vous remarier, repenser à construire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est important parce que, de nouveau, ce sont les ancêtres qui disent ça. D'où une déculpabilisation vis-à-vis du mort. Il y a tout de même, Gabriel Rubin, lors des rites funéraires, même s'il s'agit d'une phase extrêmement brève, des gestes très forts qui sont posés et dont je suppose que vous avez une lecture en tant que psychologue. Je suis en train de penser, par exemple, au fait de jeter de la terre sur le cercueil de celui qui est en train d'être enterré. Bah, vous savez ça, je pense que, comme tous les symboles, hein, chacun donne un sens particulier. Pour moi, enfin, et avec mes patients, j'ai donné un sens particulier parce que je pense qu'il est très apaisant pour eux. C'est qu'ils n'ont plus la charge du défunt, ils l'ont remis dans le sein de la terre. Et cette terre qu'on jette, c'est comme si on recouvrait le berceau d'un enfant pour le protéger. Il est confié à la mère. Et en général, quand on arrive à cette phase, il y a un grand soulagement chez le survivant qui se dit, mais au fond, il est là où il doit être. Qui sont formulées de la part des familles, quelles sont celles qui vous paraissent les plus récurrentes et les plus importantes finalement? Que vous demande-t-on aujourd'hui? Alors je veux évoluer les choses. Je suis né tout de suite après la guerre et pendant ces années 60, 70 jusqu'à 80, les familles nous demandaient des belles funérailles en quelque sorte. Et on avait droit quelquefois à des cérémonies qui ne ressemblait pas trop à l'histoire du défunt. Je veux dire, le mort, même s'il avait fait les 400 coups, c'était toujours le meilleur des morts. Et ça, ça a évolué. Je crois qu'aujourd'hui, en ce début de siècle, on voit apparaître avec force une grande demande d'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est fait autour d'une cérémonie de funérailles, eh bien, ça doit ressembler à la vie de celui qui s'en va, qui est parti. L'objectif, en fait, il est simple, c'est de faire en sorte que les gens reviennent après et nous disent « il a eu de belles funérailles ». Alors évidemment, ce ne sont pas les funérailles que certains grands chanteurs nous ont chantées, mais les belles funérailles, aujourd'hui, elles sont différentes, mais ça existe encore. Et je crois que le plus joli remerciement que peut recevoir un conseiller funéraire au lendemain des funérailles, c'est le mot aussi simple que ça, d'une famille qui vous dira « ça s'est bien passé ». Alors lorsqu'on entend ça, je crois qu'on est presque sûr d'une chose, c'est que les proches vont se trouver sur le bon chemin du deuil. Et je crois que ça, c'est bien avoir rempli sa mission professionnelle. Mais en concevant de belles funérailles, Joseph Berchou, pour les familles, finalement vous êtes en situation d'imaginer des pratiques, peut-être pas des rites, mais d'imaginer des pratiques nouvelles, qui étaient autrefois absentes du paysage. Alors vous avez fait une remarque qui me plaît, si j'ose dire. Il ne faut pas confondre les rites et les pratiques. Les rites sont des choses qui sont codifiées souvent par les religions, et les pratiques sont des choses qui sont instaurées par des groupes humains, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familles, qu'ils soient associatifs. On peut quelquefois constater que des pratiques évoluent vers des rites. Vous est-il parfois arrivé, Bénédicte Figuière, d'être interloqué ou étonné par des demandes, précisément de pratiques ou de gestes, de la part de certaines familles au moment des funérailles? C'est pas interloqué, c'est que maintenant les gens nous demandent des choses que l'on n'aurait peut-être jamais fait avant. Avant, les gens nous demandaient de la pompe funèbre, mais de la grande pompe, des enterrements première classe, comme moi j'ai pas connu. Maintenant, c'est un petit peu différent. Ça peut être par exemple un enterrement civil parce que la personne n'était pas du tout croyante, avec des corps de chasse, avec des chiens de chasse, avec des meutes de chiens. Peut-être qu'on n'aurait pas vu ça avant. Mais qui est en rapport avec, tout à fait en rapport avec le défunt. En fait, c'est pour nous, c'est moins anonyme. On est obligé de savoir beaucoup de choses. Il faut absolument être à l'écoute des gens. Si on est à l'écoute des gens, qu'on arrive à détecter quels sont leurs besoins, comment était le défunt, ce qu'il aimait, alors on peut effectivement faire des cérémonies tout à fait personnalisées. J'ai l'habitude de dire, et je le répète aujourd'hui, qu'il n'y a rien de rationnel autour de la mort. Et le besoin prioritaire pour une famille va être peut-être la toilette mortuaire avec la robe de mariée qu'il faudra, je dirais, présenter sur le corps d'une grand-mère. Pour une autre famille, ça va être le transport dans un cimetière au bout de la France. Pour une autre famille, ça va être la publication dans un grand quotidien. On ne peut pas donner de définition, en fait. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ce besoin prioritaire pour une famille, il est fondamental. Et tant que vous ne l'avez pas entendu, parce que quelquefois, il s'inscrit même dans des non-dits, tant que vous ne l'avez pas entendu, tant que vous n'avez pas répondu, la famille n'est pas en situation de vous écouter. Je crois qu'on redécouvre aujourd'hui, avec peut-être le tabou de la mort qui disparaît, une dimension qui était un peu oubliée avec la technique médicale, avec le secret médical, avec le travail en institution. On redécouvre la dimension humaine, finalement, de la mort. Et pour vous, Michel Callot, en tant qu'aumônier, les rites funéraires et l'accompagnement d'ailleurs des mourants s'inscrivent bien évidemment dans une perspective spirituelle. Oui, mais au sens large du terme, pas uniquement religieuse. Toute personne a une spiritualité, elle peut être religieuse, elle peut être non religieuse. Et donc c'est pour ça que moi je ne parle pas de besoin spirituel mais de dimension spirituelle. Je crois que le terme est beaucoup plus approprié. Alors on peut faire de l'accompagnement amical, même culturel, et puis spirituel au sens religieux du terme. Mais tout ça s'inscrit dans cette dimension spirituelle de l'homme. J'accompagne aussi bien des croyants autrement ou des non-croyants, des personnes athées que des chrétiens. On a quand même cette tendance dans l'Église catholique, entre autres, d'avoir supprimé pratiquement l'appellation l'extrême onction par le sacrement des malades et par un accompagnement. Donc ça déjà, ça change la perspective. Le costume que nous n'avons plus aussi démystifie un petit peu la crainte. Enfin, ça fait disparaître cette crainte du ministre des cultes qui vient pour donner l'autorisation du passage. Donc les attentes ou les demandes que vous entendez, que vous recevez, sont finalement assez semblables, qu'elles émanent de croyants ou de non-croyants. Oui, enfin, je dirais qu'elles émanent de croyants chrétiens ou de non-croyants, parce que pour les juifs ou les musulmans, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a un entourage familial très fort qu'il n'y a pas forcément dans notre culture chrétienne. C'est peut-être d'ailleurs plus culturel que religieux, mais cette dimension chez les croyants juifs et musulmans, voire bouddhistes aussi, que nous avons quelquefois ici, c'est un petit peu différent. Ceci dit, j'ai accompagné les trois, plus des chrétiens et des non-croyants, donc je crois qu'il n'y a pas une différence fondamentale. Si les gens sont peu croyants, mais demandent quand même une célébration religieuse, bien, on va leur essayer. Enfin, moi, c'est ce que je fais, en tout cas, essayer de leur montrer que tout ce qui est humain intéresse Dieu. Donc, ce qui les a intéressés, ce qui les a fait vivre dans leur humanité, c'est pas étranger à la foi. Et puis, si on a quelqu'un qui est quelqu'un de très croyant, de très, très spirituel, ben, on va pouvoir aussi repartir de tout cela à partir des textes et de sa vie, montrer toute cette espérance qu'il a fait vivre et qui lui a donné un élan à la fois de joie, de partage, de vie finalement. Protestante, et vous, entre autres, vous assistez aux dernières rencontres des familles avec leurs morts. Autrement dit, la mort est quelque chose qui est pour vous extrêmement proche et extrêmement familier. On peut dire comme ça. On peut dire comme ça. C'est vrai que je dirais que c'est la personne décédée et les familles qui sont autour de cette personne décédée, qui sont devenus petit à petit un monde que j'ai apprivoisé ou qui m'a apprivoisé. Et en tant que religieuse, au moment où vous assistez au dernier moment d'un homme ou d'une femme, c'est l'âme de celui qui va s'en aller qui vous préoccupe en premier lieu? Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'est son âme qui me préoccupe. Je dirais que j'ai le sentiment de participer à la fin d'une vie sur cette terre. Donc, si la famille est présente, si les proches sont présents, l'attention est mobilisée sur deux plans. Celui qui est en train de partir. Alors, si je veux parler un peu personnellement, pour moi, ça a toujours été un temps très intense de proximité avec Dieu. Je le dis aussi simplement que ça, et je ne demande pas qu'on partage ce sentiment, mais pour moi, celui qui part termine sa vie sur cette terre, mais il commence une autre vie dont je ne sais rien et qui est mystérieuse, mais voilà, je suis convaincue de cela. Et puis, il y a dans le même temps et d'une manière tout à fait concomitante, la souffrance ou la résignation ou la sidération de ceux qui assistent à ce décès. Alors, voilà, je ne peux pas vraiment dire ce que je vis à ce moment-là. Je crois que le plus clair, c'est que j'essaye de rester attentive à l'intérieur de moi, à ceux qui sont là, présents, et qui vivent un des moments les plus importants de leur vie, regarder ou participer à la mort de quelqu'un qui donne son dernier souffle. Lorsque vous vous adressez, Sœur Nathanaël, aux proches d'un défunt, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent dans les paroles que vous prononcez auprès de ces gens-là? Alors, je crois que les mots les plus fréquents, je vais dire un paradoxe total, c'est une absence de mots. C'est-à-dire, c'est plus facile d'être dans un contact physique c'est-à-dire une main sur une épaule ou être prêt soi-même à recevoir dans ses bras quelqu'un qui ne peut pas regarder et qui détourne la tête et qui se précipite dans vos bras, parce que les mots qu'on peut dire sont complètement insuffisants pour recueillir la douleur qui est dans ce moment-là. La proximité physique est, je dirais, un des langages les plus essentiels. Vous employez, vous, l'expression de travail de deuil, telle qu'on l'utilise dans les domaines de la psychanalyse ? Je sais que c'est une expression qui est vraiment beaucoup utilisée. Personnellement, je ne me rends pas vraiment compte de ce que signifie ce travail de deuil. Je crois que la souffrance liée au décès de quelqu'un peut prendre des couleurs tout à fait différentes tout au long de notre vie. Et on peut tout d'un coup, au bout de 30, 35 ans, après un décès, ou même 40 ans, j'ai rencontré une personne qui avait perdu sa mère à l'âge de 15 ans et elle en avait presque 70. Et elle a tout à coup réalisé que ce qu'elle croyait être accompli dans son travail de deuil la rattrapait dans le moment où elle en était de sa vie. Donc je crois qu'on ne part pas de rien dans ce travail de deuil, mais les personnes qu'on a aimées et dont on doit un jour se séparer sont présentes dans nos vies de manière aussi concrète une fois qu'elles sont décédées que si elles y étaient physiquement, et elles nous font avancer à travers ce que on reçoit de l'événement de notre propre vie. Perdre quelqu'un qu'on a aimé, qui a compté dans notre vie, va nous faire découvrir la réalité de la vie, la beauté de la vie ou la difficulté de la vie jusqu'à ma propre mort à moi, jusqu'à notre propre mort, jusqu'au bout de notre vie. Alors, ça peut être douloureux, ça peut être heureux, ça peut être dans la lumière, ça peut être dans la nuit. Est-ce que c'est ce travail de deuil ? Je crois qu'on est en travail tout au long de sa vie. Parmi les différentes étapes de ce long processus que l'on peut appeler travail de deuil, sœur Nathanaëlle, y a-t-il un moment en particulier qui vous semble fondamental ? Un des moments que moi j'ai eu à comprendre, dans lequel j'ai eu à me situer, d'autant plus en étant d'origine réformée, c'est-à-dire d'une religion dans laquelle, une fois que la personne est décédée, le corps, le cadavre, n'est plus aussi important. Pour moi, ce moment où la famille et les proches rencontrent leurs parents pour la dernière fois est, à mon sens, un des moments clés du travail de deuil. Ce moment, c'est le moment où les personnes qui voient partir un être cher voient son visage pour la dernière fois, ce visage qui est, dans la vie courante, le lien qu'il y a entre deux personnes, le regard, et tout à coup, ses yeux sont fermés. Et puis on va fermer le cercueil et on ne le verra plus et il ne sera plus visible. Et ce moment-là, c'est un moment qui est vraiment très, très poignant. Alors, quand il n'est pas accompagné d'un rituel très précis dans lequel les personnes ont la possibilité d'être portées, comme dans la religion juive ou dans la religion musulmane, eh bien, c'est laissé à leur propre initiative ou c'est laissé à l'initiative de ceux qui sont présents. Et moi, j'aurais appris peu à peu de ceux que j'ai accompagnés dans ce moment de laisser la place pour toute initiative, pour toute parole, et de laisser du temps à ce moment-là. Parce que c'est un moment qui est trop important dans la vie. De n'avoir plus que sa propre mémoire ou son propre souvenir pour rendre vivant quelqu'un. Alors après, on le rendra vivant de bien des manières, mais à ce moment-là, c'est ce sentiment qui prédomine. C'est un moment qui est vraiment douloureux. Qui est vraiment douloureux. Pour évoquer la mort aujourd'hui, vous parlez, Jean-Hugues Deschaux, d'idéologie funéraire. Idéologie faite de discours et inspirant des pratiques nouvelles. Alors, sur quoi est fondée cette idéologie ? Alors, idéologie funéraire, effectivement, c'est un terme qui vise à subsumer sous un même intitulé des choses qui touchent à la fois aux représentations et aussi aux façons de faire, aux attitudes, aux pratiques. Tout ça repose sur un certain nombre de constats qui peuvent sembler déconnectés a priori, mais qui, à mon avis, ne le sont pas. D'une part, évolution des pratiques dans le sens d'une personnalisation croissante des cérémonies funéraires, des obsèques, des commémorations, etc. Développement des initiatives en matière d'accompagnement des mourants, qui sont le fait essentiellement d'associations qui se sont développées, qui sont en nombre croissant et dont le propos est de plus en plus entendu. Et aussi discours de psychologues, de thanatologues, d'experts de la mort aujourd'hui qui recommandent à nos contemporains un certain nombre d'attitudes et qui tous, c'est à la fois les pratiques que j'ai évoquées et aussi cette espèce de nouvelle expertise de la mort, s'accordent sur un point qui est l'importance d'évoluer à la conscience personnelle, au sujet. Ce qui est intéressant, Jean-Hugues Deschaux, c'est que dans ce discours, effectivement, où il s'agit de mourir en sujet, on a un petit peu le sentiment qu'il s'agit de se réapproprier la mort comme si elle avait été, au fond, confisquée pendant un certain temps. Il y a sans doute de ça, c'est-à-dire qu'il y a un désir de se réapproprier quelque chose qui avait été quelque peu évacué de la vie sociale ou qui avait été transféré à des spécialistes en hôpitaux, par exemple, avec ce mouvement de médicalisation de la mort. Aujourd'hui encore, 8 décès sur 10 ont lieu à l'hôpital. Donc désir de se réapproprier quelque chose dont on s'estime dépossédé, ou dont on s'estimait dépossédé. Il faut sans doute voir là d'ailleurs le succès d'une thèse qui a eu cours ces dernières années, enfin quand je dis ces dernières années, c'est depuis 2 à 3 décennies, qui est la thèse du déni social de la mort, qu'on doit à Philippe Ariès et à d'autres, et qui nous explique qu'aujourd'hui, dans la société contemporaine, la mort est interdite. Et cette thèse extrêmement radicale, très critique, a été à l'origine d'un mouvement d'accompagnement des mourants, qui a replacé la mort au centre du débat social. Il faut à nouveau en parler, etc. Et puis il faut qu'elle redevienne notre affaire et non plus celle des spécialistes. Alors, le problème, c'est que je pense que ça va bien au-delà d'une simple réappropriation de quelque chose qui nous était devenu étranger. Je crois que c'est l'émergence d'un modèle réellement nouveau qui se distingue par bien des aspects de la façon de faire classique face à la mort telle qu'elle était en quelque sorte régulée, encadrée par des rites traditionnels. Aujourd'hui, je crois que ce qui émerge, c'est profondément une nouvelle façon de faire face qui procède d'une autre logique et qu'il faut interroger. Mais cette thèse du déni de la mort, dont vous dites, Jean-Luc Deschaux, effectivement, qu'elle a prévalu depuis un certain temps, vous la remettez, vous, en cause, au nom notamment de ce discours de l'empathie et de l'accompagnement qui viendrait en quelque sorte se substituer au rituel. Oui, alors je mets en cause effectivement la thèse du déni social de la mort parce que je pense que ça n'est pas une bonne façon de poser les problèmes. Non pas que la thèse soit radicalement fausse, mais je pense qu'elle ne permet pas de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. L'idée, c'est que toute mort implique une forme de déni. Toute mort implique une forme de triche, de neutralisation de l'angoisse qui est liée à la mort, et parler de déni de la mort, c'est laisser entendre qu'il pourrait en être autrement. C'est laisser entendre qu'il serait possible d'apprivoiser la mort, en quelque sorte. Cette idée-là, personnellement, je n'y adhère pas. Je pense qu'on ne peut tout simplement pas apprivoiser quelque chose qu'on ne connaît pas par définition, et qu'il est préférable de raisonner en étudiant, en observant les manières de mettre en forme ce déni. Peut-être la question fondamentale à se poser aujourd'hui, Jean-Luc Deschaux, c'est finalement de savoir si cette façon que nous avons aujourd'hui d'individualiser la mort peut venir se substituer aux rituels collectifs traditionnels tels qu'ils étaient pratiqués jusqu'à présent, qui permettaient au fond de neutraliser l'inhumanité de la mort. Alors là, je pense, je suis un peu réservé sur la capacité des cérémonies personnalisées et de ce mouvement d'intimisation de la mort à se substituer au rite funéraire en tant que tel. Bon, ça permet néanmoins aux contemporains de se réapproprier en partie des choses qui leur avaient échappé, en mettant d'eux-mêmes dans les cérémonies, en s'investissant dans la réflexion qu'il convient d'avoir face à la mort. Mais néanmoins, je pense que ça laisse en déshérence une fonction qui est traditionnellement celle du rite et qui consiste à inscrire les morts et les vivants dans la lignée humaine, dans la succession des générations. Quand je dis la lignée humaine, c'est pas simplement la lignée familiale, ça peut être la lignée sociale, ça peut être la lignée croyante, selon les convictions des uns et des autres. L'idée, c'est que le rite inscrit dans une permanence, dans une continuité, qui doit être fondamentalement conçu comme un passage dans une continuité. Alors que la cérémonie personnalisée se centre sur un événement au centre duquel se trouve un individu en particulier, avec sa mort en particulier, avec sa vie en particulier, avec ses convictions de personne en particulier. Et je pense qu'on perd cette capacité à inscrire le mort et les vivants dans une continuité. Et cette inscription dans le temps long, de la mémoire collective, suppose forcément un rite, suppose forcément une formule qui est prescrite par définition, qui est relativement standard, et qui fait qu'on n'est pas simplement dans une relation dialogique entre le mort et le proche, et l'endeuillé. Il y a le mort, l'endeuillé ou les endeuillés, et puis il y a aussi le groupe social, la lignée, si vous voulez, et le rite est organisé à partir de cette structure ternaire, où il y a trois pôles, et cette figure du tiers qui me semble indispensable pour incarner, en quelque sorte, cette aspiration à la permanence, à la continuité, qui est la façon la plus commune dont l'homme neutralise, je dirais, l'angoisse qui est attachée à la mort. Et puis il y a aussi un autre point, c'est que le rite, et notamment le cimetière, est quelque chose qui, dans notre société, témoigne de l'historicité, justement, d'une société, de sa permanence. Ça n'est pas le seul élément, mais c'est un élément qui, par excellence, témoigne de la succession des générations. On peut se poser la question de savoir ce que serait une société sans cimetière. Une société qui n'aurait plus ce lieu spécial, ce sanctuaire, qui témoigne précisément de l'historicité d'une société. Joseph Berchoux et Bénédicte Figuière, quel est le regard social porté sur votre métier? Alors d'abord, je suis fier de l'exercer. Et depuis longtemps, je suis dans cette situation. Quand j'avais 20 ans, ma fiancée savait que je travaillais aux pompes funèbres. J'ai 4 garçons, ils connaissent tous la mission professionnelle de leur père. Ils sont à l'aise avec cette parole. Alors, ce que je peux dire, c'est que je crois que le principal, c'est que notre image a évolué. Et aujourd'hui, l'image du croque-mort, elle est en train de s'enterrer, si j'ose dire. Et aujourd'hui, les gens des pompes funèbres sont des gens qui travaillent avec les autres, qui échangent avec les prêtres, qui échangent avec les équipes des soins palliatifs, qui travaillent en complicité d'esprit avec les hôpitaux. Et ça, c'est une évolution. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Joseph Berchou. Par contre, au départ, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans et j'étais quand même un petit peu gênée de dire que je travaillais pompes funèbres générales. D'ailleurs, en général, j'utilisais plutôt le sigle, je disais PFG, comme ça je me disais où les gens ne sauront pas trop où je travaille. Ou alors peut-être que les gens comprendront PSG. Et puis bah, avec le temps, je veux dire, avec, je pense, avec le professionnalisme, avec la confiance qu'on acquiert, avec l'expérience qu'on acquiert, je pense qu'après ça passe. Et maintenant je suis effectivement tout à fait à l'aise avec ma profession. C'est souvent les gens à qui vous le dites qui sont le plus mal à l'aise. C'est-à-dire, c'est pas vous en général qui êtes mal à l'aise, c'est plutôt la personne que vous avez au départ en face de vous. Après, ces gens posent des questions. Quand vous leur expliquez ce qu'est votre métier, pourquoi vous le faites, et, en général, le regard des gens change complètement. Parmi les questions qui reviennent extrêmement souvent lorsque l'on évoque les funérailles, il y a celle du coût, parce que la mort a un coût également. Quel est aujourd'hui, pour une famille, le coût d'obsèques telles que celles que vous avez décrites tout à l'heure? C'est-à-dire des obsèques personnalisées, là où vous prenez le temps de recevoir les gens et d'imaginer une cérémonie selon leurs attentes. Je crois d'abord, ce que l'on peut dire, c'est qu'en France, les funérailles sont payantes. Et on y ajoute la TVA, comme ça, tout y est. Et ce n'est pas vrai partout. Si vous allez, par exemple, à Genève, en Suisse, les funérailles sont gratuites. Alors maintenant, je crois qu'il faut répondre à votre question, parce qu'elle est importante pour beaucoup de familles. Il faut retenir 3 chiffres. D'abord, le prix moyen des funérailles en France varie selon les régions, mais il varie de 12 à 18 000 francs. C'est une réalité. Le deuxième chiffre que je vais vous donner, c'est le prix minimum pour une inhumation ou pour crémation partout en France, à Paris compris. Le prix minimum, c'est de l'ordre de 7 000 francs. Et puis, autour de nous, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour vivre. Le moment venu, n'en ont pas non plus. Et dans ces situations, ce sont les collectivités qui prennent en charge ces funérailles. Et pour les familles, ce sont des obsèques gratuites. La pratique de la crémation, Joseph Berchou, s'est beaucoup développée en France depuis une vingtaine d'années. Les chiffres indiquent qu'aujourd'hui, environ 18% des Français feraient ce choix. Est-ce que cette pratique a profondément changé pour vous, votre travail ? Mais la crémation, il y a quelques décennies, elle était du domaine de l'interdit, tout simplement. Puisque c'est seulement à partir de 1963, de Vatican II, que l'Église a toléré la crémation. Et jusqu'en dans les années 60, il y avait 2000 crémations en France, c'est-à-dire zéro, ou presque zéro, alors qu'aujourd'hui, on arrive à près de 100 000. Alors je crois que ce qui a changé, c'est d'abord la position de l'Église. Ce qui a changé aussi, c'est l'évolution des mentalités autour de l'écologie, autour de la modernité. On peut trouver des arguments partout. Mais en fait, lorsque vous interrogez les gens dans la rue, aujourd'hui, ils sont près de 30% à dire « le moment venu pour moi, ce sera la crémation ». Et 18%, je ne serais pas surpris que dans les années 2040, on atteigne 40% de crémation. Alors, ce qui a changé, on peut d'abord parler du mal, en quelque sorte, c'est que pour beaucoup de familles, ces pratiques ne sont pas installées dans une culture familiale, dans une culture communautaire. Et quelquefois, lorsqu'on fait ce choix-là, on ne pense pas à tout. On a des comportements qui sont, je dirais, qui ne sont pas faciles à gérer après. Je pense en particulier aux urnes que l'on va laisser dans un domicile. Je regrette, c'est pas facile pour tout le monde. La maison des vivants ne peut pas rester longtemps la maison des morts. Hein. C'est une illustration. Alors évidemment, pour le bien, on peut l'imaginer en particulier autour d'une famille qui en a parlé, autour d'une famille qui a pris des dispositions testamentaires, autour d'une famille qui a adhéré à une fédération crématiste, par exemple. Là, ce sont des choses qui ont été évoquées d'une manière complète et saine avec les proches. Je crois que la mort, d'une manière générale, moins on en parle, plus elle est partout. Alors, y compris pour la crémation, parlons-en. les Indiens, faire brûler les corps des morts, c'est tisser le lien avec les ancêtres. Pour nous, c'est le contraire, c'est une rupture. Gabriel Rubin. C'est très différent au point de vue culturel de ce que nous avons l'habitude de connaître. C'est si vrai que j'ai vu par exemple les marins qui meurent en mer souvent, mais on leur fait des tombes vides à terre. Et c'était la même chose. Il y a beaucoup d'ethnies différentes. Lorsqu'un voyageur, un membre de la famille voyage et meurt à l'étranger, je parle ça d'un temps où il n'était pas question de rapatrier un cadavre, je veux dire, du temps des Romains, on fait la même chose. Il faut qu'il y ait un endroit où symboliquement il repose. Il est là. Donc je pense que partir en fumée, pour nous, ça ne va pas tellement bien. Pourquoi l'Église avait refusé l'incinération pendant un temps? C'était venu de l'idée que des personnes avaient qu'en se faisant incinérer, Dieu ne pourrait pas les ressusciter au dernier jour. Donc c'était une marque de non-foi ou de refus. Bon. Et donc l'Église disait, restez cohérents. Si vous refusez la résurrection, alors il n'y a aucune raison de passer à l'Église. Vous refusez la foi de l'Église. Donc, de fait, le respect de la personne passait par ne pas faire de célébration religieuse. Sinon, ça aurait été un non-respect de la personne. C'est vrai que la résurrection, c'est un mot pas facile à comprendre, hein, surtout aujourd'hui. On se demande si c'est pas un peu une forme de réincarnation, enfin, très empreinte de New Age ou de bouddhisme dans ce domaine. Mais c'était la négation. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On se rend bien compte que les gens n'ont pas, sauf exception peut-être, mais enfin, j'en ai jamais vu, moi. Bon, ça ne pose aucun état d'âme, en tout cas. Et ces rituels, c'est aussi, Jean-Hugues Deschaux, un langage symbolique. Et au fond, en ce moment, ce que l'on est peut-être en train de vivre, c'est la transformation des règles de ce langage symbolique. Tout à fait. Je crois que dès qu'il y a mort, il y a nécessité de la symbolisation. Donc il est vain d'imaginer l'hypothèse d'une mort désymbolisée tout simplement parce que l'homme ne peut pas faire face à l'innommable sans le nommer précisément, sans le symboliser, sans lui donner un sens. Simplement, si on suit le fil que j'ai commencé à dérouler, qui est donc cette idée que la mort s'intimise, qu'elle devient de plus en plus l'affaire intime de chacun, l'affaire personnelle de chacun, eh bien, en somme, la symbolisation procéderait aujourd'hui davantage d'un imaginaire personnel qui, par conséquent, est variable selon les individus, que d'une symbolique sociale, comme c'était le cas naguère, c'est-à-dire d'une symbolique qui était le fait du groupe social. Et quand je dis le groupe social, je veux dire les groupes sociaux, en fonction de nos affiliations sociales, de nos appartenances familiales, sociales, professionnelles, régionales, religieuses. Mais enfin, la symbolique était bien le fait du groupe qui entendait par la célébration se célébrer lui-même aussi. C'est pour ça que la dimension de continuité, de permanence du groupe, de l'entité collective était au fondement du rite. Mais étant donné cette diversification, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui d'identifier un modèle de la bonne mort, modèle qui a toujours existé à toutes les époques et dans toutes les civilisations d'ailleurs? Effectivement, à toutes les époques, il a existé un modèle de la bonne mort, une façon de bien mourir, et cette façon de bien mourir évolue, change au fil du temps, en fonction des normes et des valeurs qui caractérisent la société. Et aujourd'hui, il semblerait donc que sous l'effet de ce mouvement d'intimisation de la mort, l'appel à la subjectivité, à l'expérience personnelle, ne soit pas, si vous voulez, une espèce de valorisation à tout craint de la créativité personnelle, de la liberté personnelle contre les faux-semblants de la morale sociale. Parce que cet appel à la subjectivité se fait sur fond d'un modèle de la bonne mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien mourir, si l'on en croit en tout cas cette nouvelle expertise funéraire qui est le fait essentiellement des psychologues et des thanatologues qui se font de plus en plus entendre aujourd'hui, c'est que l'idée c'est que la mort est un travail, est un processus qui part par différentes séquences, qui s'ouvre sur une séquence initiale qu'est le déni et qui doit pouvoir se clore sur une séquence finale qu'est l'acceptation. L'acceptation apaisée en quelque sorte de votre sort, c'est-à-dire vous allez mourir, il faut l'accepter. Donc le bien mourir aujourd'hui, ça serait créer les conditions pour passer de façon aussi commode que possible d'une phase à l'autre, de sorte que la personne mourante puisse finir par cette phase ultime qu'est l'acceptation de son sort. Rites funéraires et travail de deuil, comment vivre la mort, avec Joseph Berchoux, responsable des relations publiques aux pompes funèbres générales, Michel Callot, aumônier à l'hôpital de Rambouillet, Jean-Hugues Deschaux, sociologue, auteur du « Souvenir des morts » publié aux presses universitaires de France, Bénédicte Filière, conseillère funéraire, Gabriel Rubin, psychanalyste, auteur de « Travail de deuil, travail de vie » publié chez L'Harmattan, et Sœur Nathanaël, religieuse, présidente de l'association Rivage. Prise de son Hervé Desjardins, Philippe Etienne. Mixage Philippe Bredin, Julien Doumenc. Réalisation Marie-France Nussbaum. Une émission de Catherine Pont-Imbert. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 mai 2001. Vous pourrez la télécharger pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Aside for us.